إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous sommes arrivés au chapitre du lavage des parties intimes et des règles de bienséance à adopter lorsque l'on fait ses besoins. Ici, lorsqu'on parle du lavage des parties intimes, le terme en arabe utilisé est « al-istinja ». Ça signifie, chez les savants de la jurisprudence du fiqh, purifier les souillures qui se trouvent sur les deux voies naturelles en utilisant l'eau ou les pierres, suivant le cas. Bien que d'une manière générale, on utilise le terme de « istinja » lorsque l'on parle du lavage avec l'eau. Mais si on revient dans les premiers livres des jurisconsultes, on voit que le terme de istinja est parfois employé lorsqu'il s'agit d'un lavage avec l'eau ou lorsqu'il s'agit d'un essuyage avec les pierres ou autres, des parties intimes. Car l'istinja vient du verbe naja, qui veut dire couper. Naja, najautu shajara, bimarna qatartuha. Naja, ça veut dire couper. Donc ici, il y a cette notion d'évacuer et de couper, de rompre cette souillure qui se trouve sur le corps, en utilisant l'eau ou autre chose. Les deux voies naturelles, ce sont quoi? Ce sont les deux orifices où sortent l'urine et les excréments. Le terme employé en arabe est « as-sabilan » ou « as-sabilayni ». Donc l'auteur va citer dans ce chapitre les règles régissant la purification des souillures qui se trouvent sur les deux orifices, et il va évoquer les règles de bienséance à adopter lorsque l'on accomplit ses besoins. Beaucoup de musulmans, et à plus forte raison les non-musulmans, considèrent que ces choses-là n'ont aucun rapport avec la religion. Et que l'homme, en fait, il est libre de faire ce qu'il veut dans ceci. Ça, c'est ce que croit le commun des gens. Or, la réalité est tout autre. Car un groupe d'associateurs est venu voir Salman El-Fer ici, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant « Votre prophète vous a tout enseigné, même comment faire ses besoins ?» Et Salman de répondre « Mais bien sûr, notre prophète nous a tout enseigné. » Puis il a dit « Il nous a même interdit de faire face à la Qibla lors de l'accomplissement des besoins, de nous laver avec la main droite et de nous essuyer avec moins de trois pierres ou d'utiliser des fientes et des eaux. » Les choses qu'a cité ici Salman et qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des ordres religieux ou des interdits religieux. Si la personne les fait, alors il sera récompensé. Et si la personne s'en écarte volontairement alors qu'il était obligé de les faire, alors cette personne-là sera sous le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala ou méritera le châtiment. On voit bien que ce sont des choses qui sont directement liées à la religion. L'homme n'a pas une liberté de choix inconditionnelle dans ceci. Le hadith est rapporté par l'imam muslim sous le numéro 262. Donc, lorsqu'on a compris ceci, il convient d'apprendre comment faire ses besoins. Selon la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et wallah, mes frères, on est dans le besoin d'apprendre ces choses-là, de les transmettre et de les enseigner. Barakallahu fikoum. Et je vais vous rapporter des hadiths qui devraient vous faire réfléchir, inshallah, concernant ces choses-là. Donc le cheikh commence à citer les règles de bienséance en disant, premièrement, il est conseillé dès lors qu'il rentre dans le lieu d'aisance. On m'a déjà reproché cette traduction en parlant des toilettes, les lieux d'aisance. Alors que c'est un terme français qui se trouve dans le dictionnaire, n'est-ce pas? Donc on parlera de lieu d'aisance ou de toilette ou de l'endroit où on s'isole pour faire ses besoins. Quand bien même cet endroit-là n'est pas fermé, tout ce qui va suivre là concerne un endroit fermé ou un endroit à découvert, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est le lieu où l'on s'isole pour faire ses besoins. Cheikh Saadi dit, Rahmallahu tabarak wa ta'ala, il est conseillé, dès lors qu'il rentre dans le lieu d'aisance, de faire précéder son pied gauche. Pour quelle raison? Car la droite est légiférée pour de nobles choses, comme le lavage des membres des ablutions. On lave ses membres avec la main droite, pas avec la main gauche, n'est-ce pas? Puisque les ablutions sont des choses qui sont nobles, par lesquelles on se rapproche d'Allah, tabarak wa ta'ala. Ou alors le fait de manger, le fait de boire, le fait de rentrer à la mosquée, le fait de rentrer chez soi. Donc toutes ces choses-là qui sont nobles, on fait devancer la droite, le pied droit et la main droite, suivant les circonstances, sur la gauche. Dans les choses qui sont viles et rabaissantes, c'est le contraire. On fait devancer la gauche. La main gauche ou le pied gauche. Ceci est tiré d'un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou al-Muslim d'après la version de Aïcha, radiallahu anha, qui disait, et lorsque l'on parle de Aïcha ou des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut bien comprendre qu'elles ont un mérite que les autres compagnons n'ont pas. En plus du fait que ce sont les femmes du prophète. C'est qu'elles ont rapporté des faits et gestes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était chez lui. Et nul n'a pu rapporter ces faits et gestes qu'il faisait chez lui au quotidien, si ce n'est ses femmes. Ou alors son khadim, c'est-à-dire son servant, comme Anas ibn Malik par exemple. Donc toutes les choses qui nous ont été rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ces faits et gestes qu'il faisait chez lui, tout ceci nous a été rapporté par les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et notamment à Aïcha, qui était la plus savante parmi elles. Donc qu'est-ce qu'elle dit Aïcha? Elle nous évoque une chose que faisait le prophète habituellement, quotidiennement. Écoutez bien, elle dit, le prophète aimait commencer par la droite en se chaussant, en se peignant. Il commençait par peigner le côté droit, puis le gauche, en se purifiant. Donc ça, on le verra en détail, Inch'Allah, lorsque l'on abordera le chapitre des ablutions. Et dans toute chose, noble. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari ou al-Muslim. Voilà pourquoi l'imam Sa'di dit que il convient de faire précéder d'abord, en rentrant dans la toilette, le pied gauche avant le pied droit. Et lorsqu'on en sortira, on fait d'abord devancer le pied droit avant le pied gauche. Puis il dit, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal-khaba'ith. Puis il dit Bismillah. Donc ici, il cite deux choses. Mais ceci est tiré de deux hadiths différents. Le premier hadith, c'est le hadith d'Ali ibn Abi Talib, radiallahu tabarak wa ta'ala anhu, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le voile qu'il y aura entre les yeux des djinns et la nudité des fils d'Adam, lorsqu'il rentre aux toilettes, sera dès lors qu'il dira Bismillah. Dès lors que tu dis Bismillah, et ceci n'est pas restrictif aux toilettes, dès lors que la personne se met toute nue pour se déshabiller par exemple, il dit Bismillah, afin d'être préservé du regard des djinns. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Cheikh al-Albani au numéro 606. Donc, comme il va être amené à se découvrir dans les toilettes, avant de rentrer, il dit Bismillah. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, il fait cette dora importante, où il demande protection auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, contre al-khubth ou al-khaba'ith. Les savants ont deux explications sur al-khubth ou al-khaba'ith, suivant la façon dont on prononce le premier terme, al-khubth. Si on dit khubuth, khubuthu, khubuthi, avec une dhamma sur le bas, alors al-khubuth, c'est un pluriel, c'est le plural de khabith. Et khabith, ici, ça veut dire les djinns ou les démons, afwan. Les démons, qui sont les djinns mécréants, les démons mâles. Mâle, M-A-L-E. Hein, masculin, le genre. Wal-khaba'ith, c'est le pluriel de khabithatun, qui sont les démons femelles. Hein? Donc concrètement, ça veut dire, oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Ça, c'est la première compréhension de ce hadith. Deuxième compréhension, si on dit Allahumma inni a'udu bika min al-khubthi. Al-Khubf, en mettant un soukoun sur le bas. Le sens est tout autre. Al-Khubf, c'est le mal. Le mal dans toutes ses formes. Si on le prononce comme ça, alors Khaba'is, il aura le sens de toutes les créatures mauvaises et préjudiciables. Donc c'est comme si je disais, ô Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le mal, d'une manière générale, et contre toutes les mauvaises créatures. Cette deuxième formulation, les deux, elles sont authentiques. La deuxième, c'est celle qui est la plus répandue, et c'est celle qui a le sens le plus fort. Pour quelle raison? Car le deuxième sens reprend le premier. Puisque lorsque je cherche protection contre le mal et contre les mauvaises créatures, dans les mauvaises créatures, il y a qui? Les démons mâles et femelles. Voilà pourquoi Cheikh Abdullah Al-Bassam, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, dit que la personne, lorsqu'elle cherche protection auprès d'Allah, lorsqu'il rentre dans les toilettes, il doit avoir ce deuxième sens en tête. Car il englobe beaucoup plus de choses. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi. Khubthi. Et non pas khubuthi. Wal-khaba'ithi. Il faut savoir que les endroits réservés à l'accomplissement des besoins sont des endroits mauvais et impurs et constituent un foyer et un refuge pour les démons. Car eux-mêmes sont maléfiques. Quand on parle de démons, shayatin, on parle des djinns mécréants, on ne parle pas des djinns musulmans. Faites la différence entre les deux, barakallahu fikoum. Les djinns musulmans ne restent pas dans ces endroits-là. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, les mauvais aux mauvaises. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation, une acclimatation des gens mauvais aux endroits mauvais. Ils s'acclimatent facilement. Il est donc tout à fait approprié que la personne cherche protection et immunité auprès d'Allah dès qu'il rentre dans ces endroits-là. Ensuite, Cheikh Sa'di dit, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il sort des toilettes, il devance le pied droit. On l'a déjà expliqué ceci. Quatrièmement, il dit, j'implore ton pardon, ô Allah. J'implore ton pardon. Rufranak. Ça, c'est tiré d'un hadith authentique, le hadith de Aïcha, qui justement, elle décrivait les actes quotidiens du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit que le prophète, dès qu'il sortait des lieux d'aisance, disait, ô Allah, j'implore ton pardon. Non? Hadith authentique, rapporté par Tirmidhi et Abu Dawud et authentifié par Cheikh Al-Albani. Rahmallah, tabarak wa ta'ala, wa rahmatullahi ala al-jami'a. Par contre, ce qu'a cité Cheikh Sa'di, la deuxième formulation, Alhamdulillahi allazi azhaba anni al-adha wa afani. C'est-à-dire, toutes les louanges appartiennent exclusivement à Allah qui a évacué de moi ces mauvaises choses, en parlant des impuretés, et m'a préservé. Ceci, c'est tiré d'un hadith, mais qui est faible au regard de sa chaîne de transmission. Donc, il ne peut constituer une preuve sur laquelle on s'appuie. Donc, on n'a pas le droit de le faire. Barakallahu fikoum. Donc, le hadith est faible. Il y a presque unanimité sur la faiblesse de ce hadith, car Ismail ibn Muslim, c'est l'homme qui fait défaut dans la chaîne de transmission. Il y a unanimité sur lui qu'il est faible dans les narrations. Non, il ne respecte pas les conditions de validité pour la narration, c'est-à-dire l'intégrité religieuse ou alors la fiabilité dans la transmission du hadith. Donc on s'en tient à quoi? On s'en tient à dire « Rufranaka ». Ça, c'est authentique, alhamdoulilah. Quelle est la sagesse de cette parole? Pourquoi dire en sortant des toilettes « Oh Allah, j'implore ton pardon ». Ça va, on parlait dessus. Et je vous ai rapporté ce qu'a dit l'Ashur Athaymin, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, où il dit « Dès lors que l'homme se débarrasse des impuretés qui portent préjudice à son corps, il implore Allah tabaraka wa ta'ala de l'écarter des punitions qui résultent des péchés aussi. » Car les péchés alourdissent le dos de la personne et le mènent à sa perte. Il en est de même des excréments et de l'urine. S'ils restent dans la personne, ils lui porteront préjudice. Alors, dès lors que l'homme se rappelle qu'Allah l'a allégé en lui permettant d'évacuer ses selles et son urine, il lui demande et l'implore de lui alléger les mauvaises conséquences de ses péchés. Vous avez vu le lien qu'il y a entre les deux? Là. Il y a un préjudice corporel. Et la personne, lorsqu'elle sort des toilettes, elle demande à Allah qu'il lui efface un préjudice moral, c'est-à-dire des péchés. Cheikh Saadi dit, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, parmi les règles de bien-sens à adopter, il s'appuie sur sa jambe gauche et lève la droite. Naam. Là, il donne une façon de s'asseoir lorsqu'on fait ses besoins. Or, cette façon-là, elle est prise d'un hadith, le hadith de Surakat ibn Malik, ibn Ja'shum. Mais le hadith aussi est faible. Il est faible pour plusieurs raisons, pas une seule. Il y a des hommes manquants dans la chaîne. Bref, tout ça, tout ceci sont des causes qui invalident le hadith, qui l'invalident. Le hadith est faible. Entre parenthèses, là j'ouvre une parenthèse, il n'y a pas un hadith authentique dans la sunna nous montrant une manière précise de s'asseoir pour faire ses besoins. Donc, on reste sur la permissivité, c'est-à-dire que l'homme a le choix de s'asseoir comme il veut pour faire ce besoin. Mais à condition qu'il fasse attention de ne pas souiller son corps ou ses vêtements lorsqu'il fait ses besoins. On va voir qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération dans ce cas-là. Puis l'imam Saadi dit, et il se cache derrière un mur ou autre. Et s'éloigne s'il est à terrain découvert. Il se cache derrière un mur ou autre. Et il s'éloigne s'il est à terrain découvert. Ici, on comprend bien que il se cache derrière un mur ou autre, c'est lorsqu'il est résident. Et s'il est à terrain découvert, on comprend qu'en général, c'est lorsqu'il est en voyage. Il se cache derrière un mur ou autre. Ceci est tiré du hadith de Abdullah ibn Ja'far, radiallahu tabaraka wa ta'ala, qui a dit que le prophète aimait se cacher derrière des monticules ou des terrains élevés. Bien sûr, vous l'aurez compris, afin d'être préservé du regard des gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était plus pudique qu'une vierge dans l'endroit où elle vit. Inna Allaha hayyun sittir yuhibbu sitra wal haya. Allah tabaraka wa ta'ala est pudique et il cache les défauts de ses serviteurs. Quand on dit qu'Allah est pudique, c'est une pudeur qui n'a rien à voir avec la pudeur des êtres humains. Il faut bien comprendre ceci, Inch'Allah. C'est une pudeur qui lui est propre, tabaraka wa ta'ala, et qui convient à sa bienséance. Et il cache les péchés et la nudité de ses serviteurs et ses défauts. Et il aime que ses serviteurs soient ainsi, c'est-à-dire pudiques, et qui se cachent eux-mêmes et cachent les péchés et les défauts de leurs frères et avant tout ses péchés à lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Il était très pudique. Donc il aimait se cacher derrière des monticules ou alors derrière les palmeraies touffues. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 342. Ça c'est lorsqu'il était plus ou moins résident. Il se cachait, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était à terrain découvert ou à terrain dégagé, puisqu'il n'y avait rien pour le cacher, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait recours à plusieurs choses. Premièrement, soit il s'éloignait. Il s'éloignait très loin, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, radiallahu tabaraka wa ta'ala, qui a dit, nous sommes sortis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voyage, et il ne faisait ses besoins à terrain dégagé qu'après s'être éloigné et caché de la vue des gens. Et dans une autre version, lorsque le prophète voulait aller au sel, il s'éclipsait jusqu'à perte de vue. Ou alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'écartait, et en même temps, il prenait avec lui une anaza, c'est-à-dire une espèce de petite lance où il posait un vêtement dessus et il faisait ses besoins derrière. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est authentique et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Abi Daoud. L'auteur du livre dit, il ne lui est pas permis de faire ses besoins sur la route, ou le chemin, ou l'endroit où s'assoient les gens habituellement, ou sous les arbres fruitiers, ou dans les endroits qui pourraient porter préjudice aux gens. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, évitez les deux choses qui appellent à la malédiction sur vous. Et je l'ai traduit comme ça, puisque c'est un des sens qui est voulu. Évitez les deux choses qui appellent à la malédiction sur vous. C'est-à-dire que si vous les faites, les gens vous maudiront. La deuxième explication, évitez les deux choses par lesquelles celui qui les commet sera maudit. Par Allah tabaraka wa ta'ala. Ils dirent, quelles sont ces deux choses, ô envoyé d'Allah? Le prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait ses besoins sur la route des gens, sur le chemin des gens, ou aux endroits où les gens s'assoient à l'ombre. D'une manière générale, les gens s'assoient à l'ombre. Ils ne s'assoient pas sous le soleil. Le prophète nous a interdit de faire nos besoins dans ces lieux-là, les routes, ou alors dans les endroits où les gens s'assoient à l'ombre. Rapporté par l'imam Muslim, sur le numéro 269, d'après la version d'Abi Huraira. Selon une autre version de ce hadith, évitez les trois mala'in, les trois choses, comme je l'ai dit, qui provoquent la malédiction des gens sur vous, ou alors les trois choses par lesquelles vous serez maudits. 1. Faire vos besoins auprès des points d'eau. 2. Au milieu des routes. 3. Ou à l'ombre et dans les endroits où les gens s'assoient habituellement. Rapporté par Abu Daoud et hadith reconnu Hassan bon par Cheikh Al-Albani. Il est de même interdit d'uriner dans l'eau stagnante. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'urinez surtout pas dans l'eau stagnante qui ne coule pas. Aussi, on ne n'urine pas sur un terrain qui est dur, comme le goudron, l'asphalte par exemple, ou un terrain rocailleux. La raison, vous la connaissez, pour éviter que les éclaboussures reviennent sur la personne. J'ouvre une parenthèse ici. Vous savez, dans certains endroits, il y a ce qu'on appelle des urinoirs. C'est quoi un urinoir? Dans certaines toilettes publiques, on a ce qu'on appelle l'urinoir. La personne, elle urine debout. Uriner debout, c'est pas interdit, à deux conditions. Première condition, il faut être préservé du regard des gens, c'est-à-dire préserver sa nudité. Deuxième condition, et là on y vient, il faut que la personne, elle se protège des éclaboussures. Or, dans les urinoirs, à moins d'être plus ou moins écarté, celui qui arrive à ne pas recevoir les éclaboussures, mashallah, il est préférable de faire ses besoins dans les toilettes fermées, normales, en ce qui nous concerne, et ne pas le faire dans les urinoirs. Je ferme la parenthèse ici. Donc, la personne, elle doit rechercher un terrain qui est meuble, un terrain meuble, où justement la terre va venir absorber directement l'urine. Aussi, ceci est une raison qui ont poussé beaucoup de savants à dire qu'il est préférable de faire d'uriner pour l'homme, à plus forte raison pour la femme, assis. Aussi, en fait, là, je suis en train de parler de choses qui peuvent être comprises par l'entendement et par le bon sens. On ne doit pas faire ses besoins face au vent, puisque sinon, l'urine revient sur toi. Donc, cela va de soi, Inch'Allah. Tout ça, pourquoi les frères? Pourquoi les savants parlaient dessus? Car, comme je l'ai expliqué, l'urine, contrairement au sel, l'urine, les gens n'y attachent pas beaucoup d'importance, c'est-à-dire n'y voient pas la gravité. Ils sont vraiment, font preuve de laxisme par rapport à l'urine. Voilà pourquoi le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des châtiments de la tombe sont dus ou sont une résultante de l'urine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, elle prie avec de l'urine sur ses vêtements ou sur son corps. Et il ne prend pas toutes les précautions pour annihiler cette souillure avant de prier. Par négligence, par insouciance, par laxisme. Ceci est une cause des châtiments de la tombe. Mais la plupart des châtiments de la tombe, comme a dit le prophète, proviennent de cette cause-là. Sont dus à cette cause-là. Ibn Abbas a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est passé devant deux tombes. Il dit, c'est les deux hôtes de cette tombe sont en train de se faire châtier. Le premier, il se fait châtier à cause du fait qu'il ne faisait pas attention à l'urine qu'il y avait sur lui. Et il priait comme ça. Et on le verra, Inch'Allah, en détail. La purification est une condition de validité de la prière. La purification par les ablutions et la purification des souillures. Donc celui-là, il ne faisait pas attention à son urine. Et il priait comme ça. Donc il est châtié dans la tombe. Le deuxième, il colportait. Namima. Donc le prophète a pris ces deux brindilles, il les a posées sur chacune des deux tombes, et les compagnons se sont interrogés, puisqu'ils ont vu quelque chose que le prophète n'avait jamais fait auparavant. Ils ont dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu as fait ceci? Il a dit, afin que le châtiment leur soit allégé jusqu'à ce que ces deux brindilles s'assèchent ou deviennent sèches. Donc c'est un allègement du châtiment temporaire. Dès lors que la brindille devient sèche, le châtiment redevient comme il était auparavant. Imaginez-vous. Ce hadith est rapporté dans les deux sahihs, hadith de Ibn Abbas. Ceci nous prouve bien que ces choses-là ne doivent pas être prises à la légère. Barakallahu fikoum. En même temps, il ne faut pas tomber dans les waswas. Les waswas, c'est quoi? C'est que la personne, après s'être purifiée, il n'est pas tranquille. Ah, il y a encore quelque chose. Et je vais me relaver. Puis il refait ses ablutions. Puis il n'est pas tranquille. Puis il va commencer la prière, il dit non, c'est pas bon. Puis il repart, etc. Là, on appelle ça du waswas. Et le waswas, c'est une maladie. Non, c'est pas un état normal, le waswas. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans le cours précédemment, que la personne, dès lors que elle est sûre de s'être purifiée, alhamdulillah, il reste sur cette certitude jusqu'à ce que la certitude de la souillure vienne. C'est-à-dire, il viendra annuler cette certitude de la purification, la certitude de la souillure ou de l'état d'impureté rituelle. Donc une certitude viendra annuler une certitude. Et le doute ne vient pas annuler une certitude. Donc si tu es sûr de t'être purifié correctement et d'avoir fait tes ablutions correctement, ne viendra annuler cette certitude qu'une autre certitude. Donc le waswas est un doute, donc on reste sur la certitude. Et ça c'est la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, purifiez-vous de l'urine, car la majeure partie des châtiments de la tombe sont dus à l'urine. Le prophète aussi a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, de faire ses besoins dans l'endroit où on se lave. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que l'un d'entre vous n'urine pas dans l'endroit où il se lave. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmallahu tabaraka wa ta'ala. En outre, il est permis d'uriner s'il y a une évacuation de l'eau. Donc j'ai donné l'exemple de la baignoire ou de la douche. Si l'eau s'évacue, il est permis d'uriner. Pas de déféquer. Il est permis d'uriner à la condition que on ne pourra se laver dans cet endroit qu'après avoir évacué cette urine. Correctement. Notamment, va dans cet avis-là, Cheikh Al-Athaymi, rahmallahu tabaraka wa ta'ala. Mais si vous avez des toilettes à côté, il est préférable d'uriner dans les toilettes, n'am, et de garder l'endroit où on se lave pour se laver exclusivement. Barakallahu fikoum. En résumé de tout ce qui a été dit, la personne, premièrement, lorsqu'elle veut accomplir ses besoins, elle se cache. 1. À défaut de se cacher, elle s'éloigne, s'il est à terrain dégagé et découvert. Avant d'entrer dans le lieu d'aisance, ou de rentrer dans l'endroit où il va faire ses besoins, il dit quoi? Bismillah. Pour quelle raison? Pour être préservé du regard des djinns, et notamment des shayatins. Troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? A'udhu billah min al-khubthi wal-khaba'ithi. Il cherche protection auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, contre tout mal. Ensuite, il commence à rentrer et il fait devancer quel pied? Il fait devancer le pied gauche, puisque les toilettes sont un endroit qui est considéré comme un endroit impur et mauvais. Puis, et là on va y venir, inshallah, tabaraka wa ta'ala, il se détourne de la qibla, c'est-à-dire qu'il ne fait ni face à la Qibla, ni il lui tourne le dos. On va venir en détail sur ça, inshallah. Dans les toilettes, il n'évoque pas le nom d'Allah, donc il ne lit pas de Coran, il ne fait pas de zikr, il ne révise pas un matn, où il y a des hadiths, comme l'a dit l'imam Hafid al-Hakami, wa zikra qaddis. Le zikr, l'évocation qaddis, c'est-à-dire, purifie cette invocation de cet endroit. Littéralement. N'évoque pas Allah dans cet endroit-là. Il ne convient pas d'évoquer Allah et tout ce qui se rapporte au rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ces endroits-là. Il évite aussi de faire ses besoins sur le chemin des gens, dans les points d'eau, les ombres, les bords des rivières, aux portes des mosquées, dans les trous et les terriers, sur un sol dur, dans l'eau stagnante, face au vent, dans l'endroit où on se lave et sous les arbres fruitiers. Donc l'auteur du livre dit, Rahmallah tabaraka wa ta'ala, il ne fait pas face à la Qibla ni lui tourne le dos lorsqu'il fait ses besoins. Et d'ailleurs, l'auteur du livre a cité le hadith en question où Abu Ayyub ibn al-Ansari radiallahu anhu a dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un de vous va au sel, qu'il ne fasse pas face à la Qibla ni ne lui tourne le dos. Mais qu'il se dirige vers l'est ou l'ouest. Ici, il y a un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari ou al-Muslim au même titre que celui-là, où Abdullah ibn Omar a dit que j'ai grimpé un jour la demeure de Hafsa, qui est sa sœur de sang, et qui est en même temps la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et par inadvertance, il a vu le prophète faire ses besoins. Donc quand il dit il a vu le prophète, il n'a pas fixé son regard sur lui, il l'a contemplé en train de faire ses besoins, c'est pas du tout ça. Il l'a vu par inadvertance, mais le peu qu'il a vu, il a vu qu'il était en direction du Shem, c'est-à-dire du nord. Et il tournait le dos à la Qibla. Alors nous avons deux hadiths en apparence qui se contredisent. Le premier hadith qu'a cité l'auteur du livre, le hadith de Abi Ayyoub, où le prophète nous interdit formellement de faire face à la Qibla et de lui tourner le dos lorsque l'on fait nos besoins. Et le hadith de Ibn Omar où le prophète lui a tourné le dos à la Qibla. Alors, les savants, au regard de ceci, ont divergé. Le premier avis, c'est ceux qui ont dit qu'il est formellement interdit de tourner le dos à la Qibla et de lui faire face, que l'on soit dans un édifice ou que l'on soit à l'extérieur. Il est strictement interdit de faire face à la Qibla et de lui tourner le dos. En prenant comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abi Ayyub al-Ansari. Et ils disent que le hadith de Abdullah ibn Omar, lorsque le prophète a fait ses besoins et a tourné le dos à la Kaaba, ceci est soit abrogé par le hadith de Abi Ayyub, donc le prophète avait fait ça avant, et ensuite la parole est venue abroger son acte. Ou alors d'autres savants ont dit que c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, ils disent que entre une parole du prophète et un acte du prophète, il faut toujours prendre en considération la parole du prophète. Pour quelle raison? Car l'acte peut être sujet à quelque chose de spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a pu faire un acte qui est propre à lui. Alors qu'une parole, si le prophète l'a dit, dans ce cas-là, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus d'éventualité. C'est que c'est un ordre pour tout le monde. Donc ils disent, sur la base de ceci, la parole du prophète dans le hadith de Abi Ayyub, elle prévaut sur son acte. Donc l'interdiction est formelle dans tous les cas. Voilà l'avis de ces savants-là, entre autres Abu Huraira, parmi les compagnons, Abu Ayyub, celui qui a rapporté le hadith, Abdullah ibn Mas'ud, on a aussi l'imam al-Naha'i, on a Abu Hanifa, on a Cheikh l'Islam ibn al-Qayyim, et à notre époque, Cheikh Ibn al-Albani. Et il s'appuie aussi sur le hadith où le prophète a vu un crachat sur le mur de la mosquée face à la Qibla. Et le prophète a interdit ceci, en disant que la Qibla est honorée et on ne doit pas cracher en direction de la Qibla. Celui qui veut cracher, qu'il crache à droite ou à gauche. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Sur la base de ce hadith, ceux qui voient cet avis disent que, puisqu'il est interdit de cracher en direction de la Qibla, a plus forte raison de faire face à la Qibla en faisant ses besoins. C'est un avis qui est très fort. Le deuxième avis, c'est ceux qui ont rassemblé deux hadiths en disant que ce qui est interdit, c'est de faire face à la Qibla et de lui tourner le dos lorsqu'on est dehors, dans un terrain dégagé. Par contre, lorsqu'on est dans des toilettes fermées, alors dans ce cas-là, il est permis de faire face à la Qibla ou de lui tourner le dos. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, une version de l'imam Ahmed, qui est le plus connu chez lui, et de Cheikh Ibn Baz. Rahmatullah tabarak wa ta'ala al-jami'. Troisième avis, Cheikh Al-Uthaymeen, il est un peu plus précis. Il dit, la permission est seulement de tourner le dos à la Qibla. Et ceci, il dit, car on s'appuie sur le hadith d'Ibn Omar. Ibn Omar, il a vu le prophète tourner le dos à la Qibla. Donc, ce qui nous est permis, c'est ceci seulement. On s'en tient au dalil. Quatrième avis, c'est ceux qui disent qu'il est permis de faire face à la Qibla ou de lui tourner le dos dans toutes les situations. C'est l'avis de Aïcha, de Urwa et de Rabia. C'est un avis qui est faible, puisque l'interdiction est là. Aïcha n'a pas eu connaissance de la parole de Abiyyu. Et enfin, le dernier avis, c'est ceux qui disent qu'il s'est déconseillé. Comme l'a dit l'imam Sana'ani, rahmallah, tabarak wa ta'ala. Et l'imam Abdurrahman ibn Sa'adi dit dans l'Umda tout l'Ahkam, dans l'explication de l'Umda, il dit, c'est déconseillé de faire face à la Qibla ou de lui tourner le dos dans une structure, bien sûr, sauf si on est dans le besoin. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Alors, voilà les avis un petit peu sur cette problématique. Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Thaymi, rahmatullahi tabarak wa ta'ala, alayhima, disent que malgré le fait qu'il est permis dans une structure, dans des toilettes fermées, de tourner le dos à la Qibla, et pour Cheikh Ibn Baz de tourner le dos et de faire face, malgré ceci, ils disent qu'il est préférable de ne pas le faire, afin de sortir de toute divergence et de tout acte préjudiciable. Donc, barakallahu fikum, au final, qu'est-ce que l'on fait? On s'efforce à se tourner hors de la Qibla, c'est-à-dire pour nous, sud-ouest, nord-est. Sud-ouest, nord-est. Non. Pourquoi les savants ont divergé sur ça? Car la Kaaba vénérait la demeure d'Allah tabaraka wa ta'ala et la Qibla des musulmans. Et Allah a ordonné à ses serviteurs à se diriger vers cette Qibla dans la meilleure situation dans laquelle ils puissent être, c'est-à-dire la prière. Il leur a épargné d'avoir pour Qibla cette Kaaba afin qu'ils soient dans une situation vile, c'est-à-dire les fait de faire ses besoins. Donc se diriger vers la Kaaba en faisant ses besoins est un manquement dans l'honneur qu'on doit donner à cette Kaaba, dans la vénération qu'on doit lui donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc ordonné de s'en détourner. Dès qu'il a accompli ses besoins, et là on va rentrer dans une autre problématique qu'on appelle l'essuyage des parties intimes. Il s'essuie, comme le dit l'auteur, rahmallahu tabarak wa ta'ala, dès lors qu'il a accompli ses besoins, il s'essuie avec trois pierres ou autres, purifiant l'endroit, puis il se lave à l'eau. L'auteur du livre appelle à une problématique de jurisprudence bien connue qu'on appelle l'istijmar, c'est-à-dire le lavage avec les pierres ou l'essuyage plutôt avec les pierres. Vous regarderez, vous constaterez que dans les livres de jurisprudence, on parle d'abord de istijmar, qui est l'essuyage avec les pierres, avant de parler de istinja, qui est le lavage avec l'eau. Pour quelle raison? Car dans les premiers temps, c'était la norme. Au regard du manque d'eau qu'il y avait dans les pays, notamment dans les pays désertiques. L'eau était une denrée rare. Donc les gens, ils se purifiaient d'une manière générale avec les pierres, avec l'essuyage. Donc les savants mettent en avant la problématique de l'istijmar, l'essuyage avec les pierres, avant celle du lavage avec l'eau. Bien qu'à notre époque, on est plus concerné par la deuxième, n'est-ce pas? Quel est le statut juridique de l'essuyage? Donc lorsque l'on revient des selles, la majorité des savants voient que c'est une obligation de se purifier soit par l'essuyage, soit par le lavage. Il n'y a que les ahnaf, c'est-à-dire ceux de l'école d'Abi Hanifa, qui voient que c'est une sunna. Quelle est la modalité? Comment doit-on se purifier des souillures qui sont sur les deux orifices ou les deux voies naturelles? Concernant les stijmas, l'essuyage avec les pierres, il faut utiliser au minimum trois pierres, ou alors trois essuyages. Certains voient qu'il faut trois pierres différentes, d'autres voient que avec une seule pierre de trois essuyages, la pierre est assez grande. Aussi, deuxièmement, l'essuyage est fait avec la main gauche, puisque le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abi Qatada, al-Haris ibn Rab'in al-Ansari, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que l'un d'entre vous ne touche surtout pas son sexe alors qu'il est en train d'uriner avec la main droite. Puis il a dit, et que l'un ne s'essuie pas les parties intimes avec la main droite. Et le prophète a dit aussi dans ce hadith-là, et que l'un d'entre vous ne respire pas dans le récipient. Le hadith-là est authentique, il est rapporté par l'imam al-Bukhari ou un muslim. Aussi, on commence par devant avant derrière. Non, puisque l'urine est une impureté qui est beaucoup plus facile à enlever que les selles. Aussi, ce qui est demandé, c'est d'enlever l'impureté elle-même. S'il reste des traces, alors la législation passe dessus et ceci est pardonné. Aussi, il ne faut pas utiliser pour l'essuyage des aliments, comme des fruits et légumes et autres. Des choses nobles, comme des feuilles de livre, comme de la soie, comme des billets de banque. Tout ceci a été évoqué par les savants. Il est interdit aussi d'utiliser des fientes d'animaux. On regarde la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète a interdit d'utiliser les os, os, des animaux, et les fientes. Car les os constituent la nourriture des djinns musulmans, alors que les fientes constituent la nourriture de leur bétail. Et enfin, il faut viser un nombre impair. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a recours à l'essuyage avec les pierres ou autres, qu'il vise un nombre impair. C'est-à-dire 3, au minimum. Si ce n'est pas suffisant, alors 5, 7, 9. Quelles sont les conditions de validité? Quand je parle de conditions ici, il faut bien comprendre que il faut les respecter afin que la purification soit valide et par conséquent la prière soit valide. N'est-ce pas? Donc ce que je vais citer ici, c'est d'une extrême importance. Premièrement, il faut la purification d'elle-même, c'est-à-dire enlever cette impureté. Deuxièmement, il faut au minimum 3 essuyages ou 3 pierres. C'est-à-dire que si je fais 2 essuyages seulement, ma purification n'est pas valide. Donc je n'ai pas le droit de prier. Même s'il n'y a plus rien. Il faut 3 au minimum. 3 ou plus. Donc 3 essuyages ou 3 pierres différentes. Ou alors, si on utilise le papier, 3 fois. Aussi, il faut que la chose avec laquelle on va essuyer, il faut qu'elle soit pure. Et non pas impure. Nous avions parlé le cours dernier des peaux de bêtes non tannées. Certaines sont pures, certaines sont impures. Les peaux de bêtes impures, les peaux des fauves par exemple. Avant tannage, elles sont impures. Après tannage, elles sont pures. Avant tannage, il m'est interdit de les utiliser pour m'essuyer. Donc il faut utiliser quelque chose de pur. Et enfin, ne pas utiliser ce qui est interdit. Comme les os, les fientes et autres. Non, car aussi là, l'essuyage ne sera pas effectif et valide. Certains savants se sont posés la question, est-ce qu'on peut utiliser l'essuyage et le lavage en même temps? C'est-à-dire essuyer et laver. Certains savants voient que la sunna, c'est de faire l'un des deux. Et d'ailleurs, Cheikh Sardi dit ici, وَيَكْفِي الْاِقْتِصَارُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا. L'essuyage suffit, ou alors le lavage avec l'eau, l'istinja, suffit. Certains savants voient que c'est même préférable, mustahab, de s'en tenir à l'un des deux seulement. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé l'eau seulement, dans certains cas, dans d'autres cas, il utilisait les pierres seulement. Il n'a jamais regroupé entre les deux, sallallahu alayhi wa sallam. Sur la base de ceci, ces savants disent que la sunna, c'est de faire soit l'un, soit l'autre. D'autres savants voient que il est bien et même convenable de faire les deux en commençant par l'essuyage et ensuite le lavage. C'est d'ailleurs l'avis de l'imam al-Nawawi et à notre époque de Cheikh Al-Uthaymeen rahmallahu tabaraka wa ta'ala. Donc l'auteur du livre dit, il peut faire ou il peut s'en tenir à l'un des deux seulement et il ne doit pas faire l'essuyage avec les fientes ni avec les os comme le prophète nous l'a interdit sallallahu alayhi wa sallam et il est aussi interdit de s'essuyer avec toute chose qui a de la valeur, une valeur intrinsèque ou autre. Comme on l'a expliqué par exemple, des feuilles de livre ou la soie qui a une valeur, la soie c'est une valeur. Ou alors avec de l'or ou de l'argent ou des billets de banque, bref. Ou alors avec des aliments et toutes ces choses-là. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum.